alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. On continue donc la deuxième partie, cette modeste assise, qui constitue donc un rappel concernant les nobles caractères. Et on avait pu dire que les nobles caractères, ils sont liés à la relation que le serviteur il a avec son Seigneur, et également les relations qu'il a avec les autres créatures. Et que le comportement, il englobe ces deux choses-là. Nous pouvons même dire plus que le premier des bons comportements à avoir, c'est le bon comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que si une personne venait à parfaire ses relations avec les gens, et que cela serait fait au détriment des bonnes manières qu'il doit observer vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous ne dirions pas de lui qu'il a un bon comportement. Même si, de nos jours, étant donné que c'est l'apparence qui prime bien souvent, et les faux-semblants, ces choses-là sont oubliées. Mais c'est bel et bien le bon comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui prime, tout en insistant sur l'importance d'adopter un bon comportement et de se parer des nobles caractères dans les relations que nous avons avec autrui. Et tout cela, ça passe par le fait de purifier, de réformer son cœur. Et nous avions eu l'occasion d'aborder le sujet de la réforme du cœur par la crainte constante d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette optique-là, on avait parlé du cœur et de l'importance de le réformer et de le purifier. On avait parlé de la langue et des dégâts qu'elle peut causer, et également du bien qu'elle peut apporter, et de l'importance et de l'impérativité du fait de la maîtriser. Nous avions également parlé de deux comportements opposés qui se manifestent justement sur cette langue, qui sont as-sidq, la véracité, fait d'être véridique, et également al-kadhib, qu'Allah nous en préserve, qui est le mensonge. Et de la place qu'occupe le premier de ces deux caractères, à savoir la véracité, et de la gravité du second, qui est le mensonge. Aujourd'hui, on va faire un bref rappel, incha'Allah ta'ala, concernant l'incitation à la pudeur et au délaissement de l'audace. L'audace, c'est al-jur'a. On va voir ça, incha'Allah ta'ala. L'incitation à la pudeur et le délaissement de l'audace. Al-Bukhari a rapporté d'après Abu Mas'ud radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a disait: parmi les propos relatés des premières prophéties et que les gens ont retenu, si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Parmi les propos relatés des premières prophéties que les gens ont retenu, il y a la parole: si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Et cette parole-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui a été retenue par les gens des premières prophéties, c'est une parole qui te montre la place et l'importance de la pudeur, et qui en vérité est une menace adressée à ceux qui ne font pas preuve de pudeur. Et il ne faut pas comprendre que c'est une incitation à faire ce que l'on veut, ou à ce que les gens impudiques fassent ce qu'ils veulent. Mais c'est plutôt une menace qui est faite sur eux. Comme nous trouvons dans le livre d'Allah, lorsqu'il dit: ذَلِكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Ceci est la vérité venant de votre Seigneur. Que celui qui le souhaite, qu'il croit, et que celui qui souhaite mécroire, qu'il mécroit. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. Et après cela, Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'annonce de l'enfer pour les injustes. Donc quand il dit فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, ça ne veut pas dire que la personne elle a le choix. Elle a le choix, elle a le libre arbitre. Elle a le choix, elle a le libre arbitre. Mais il faut savoir que si elle opte et qu'elle choisit la mauvaise chose, il faut savoir que c'est l'enfer qui l'attend, qu'Allah nous en préserve. C'est donc une menace dans ce verset. Et c'est le cas ici dans ce hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Du fait que la personne qui n'a pas de pudeur, elle a perdu une chose très importante qui est la pudeur. À partir du moment où elle a perdu, alors qu'elle fasse ce qu'elle veut. Il est possible également que ce soit une information, étant donné que, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que une personne qui perd la pudeur, forcément, elle va venir à faire ce qu'elle veut. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est bien sûr blâmé. Qu'est-ce que c'est que la pudeur? La pudeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça a été rapporté par Abu Huraira dans un hadith authentique, il a dit, la foi c'est 70 et quelques branches. La plus haute, c'est le fait d'attester que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Et la plus basse, c'est doter ceux qui gênent de la route, du chemin. Et la foi est une... Excusez-moi. Et la pudeur est une branche de la foi. Et la pudeur est une branche de la foi. La pudeur, donc, ça fait partie de la foi. C'est une branche de la foi. Et la pudeur, c'est un acte du cœur. Et c'est un sentiment qui se produit dans le cœur lorsque la personne se présente face à un acte répréhensible ou interdit. Ou que les gens, de manière générale, n'apprécient pas. Elle va ressentir de la pudeur dans son cœur, un sentiment de gêne face à cette chose-là. Et c'est ce qu'on appelle la pudeur. Et c'est ce qu'on appelle la pudeur. Donc la pudeur, ça a un sens vaste. Et ce n'est pas limité au fait de ne pas aimer se montrer. Certaines personnes, tu vois que elles sont tout le temps en train de se cacher. Na'am. Ou, par exemple, tu trouves, je cite un exemple parmi tant d'autres, la personne, c'est un homme, donc il n'a aucune raison particulière de cacher ses pieds, par exemple, et tu le trouves toujours en chaussettes. Si tu lui demandes pourquoi, il te dit, parce que je suis pudique. Parce que je suis pudique. Et après, tu le trouves qui dit, les pires des boniments. Être pudique, barakallahu fik, c'est que lorsque tu te présentes face à quelque chose de répréhensible, religieusement, ou qui n'est pas apprécié de manière générale par les gens doués d'une raison saine, c'est que tu as un sentiment de gêne dans ton cœur qui te repousse et qui t'empêche de faire cette chose-là. Et donc par la suite, ce sentiment qui est dans le cœur, il va venir se manifester dans les paroles, dans les actes. La personne, donc, elle va faire attention à ce qu'elle dit. elle ne va pas prononcer des paroles insensées, mauvaises. Également, elle ne va pas perpétrer des actes répréhensibles ou que les gens n'apprécient pas. Les gens doués de raison n'apprécient pas. Également, elle va avoir une tenue correcte et elle ne va pas montrer ce qui lui est interdit de montrer. Naam. Donc ce sentiment qui est dans le cœur, il va venir se manifester également dans les paroles et dans les actes. Et il faut savoir que la pudeur, de la même manière que beaucoup d'actes et de principes qu'on a pu citer jusqu'à maintenant, ça fait partie des choses qui constituent la base de tout bien. Comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la pudeur ne vient qu'avec le bien. La pudeur ne se présente qu'avec le bien. C'est pour ça qu'il n'est pas correct, lorsque quelqu'un n'ose pas faire quelque chose, et qu'il a honte de le faire, de lui dire « la tastahi ». C'est pas correct de lui dire ça. Étant donné qu'il est Il nous est ordonné justement de faire preuve de pudeur. Et le fait de dire « la tastahi », ça veut dire littéralement ne fais pas preuve de pudeur. Il faut que tu sois pudique. Mais donc ici, plutôt, tu lui dis « n'aie pas honte de faire telle chose. Continue à être pudique, mais n'aie pas honte. » Naam. Par exemple, une personne, dans une assise de rappel, il lui a demandé de réciter ce qu'il connaît, par exemple. Il a appris un texte, par exemple, « Thalathat al-Usul ». Par exemple. Il a appris, et son tour vient de le réciter, et tu vois qu'il s'abstient de le faire, il se retient de le faire parce qu'il a honte. Il ne faut pas le dire « La tastahi ». Ne fais pas preuve de pudeur. Non, tu lui dis « N'aie pas honte ». Continue à être pudique, mais n'aie pas honte. Il n'y a pas de raison d'avoir honte. Et il y a une différence entre Al-Haya et Al-Khajal. De la même manière qu'il y a une différence entre la pudeur et la honte. Et le fait d'avoir honte. Et il y a deux types de pudeur. Ce qui revient à ce qu'on avait dit concernant les bons comportements et les bonnes manières. Il y a la pudeur que tu dois avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, il y a la pudeur que tu dois avoir face aux gens. Le premier type de pudeur, ça consiste à sentir de la gêne face aux interdits et face au fait d'accomplir les interdits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fixés. Et c'est là quelque chose d'obligatoire. Et le deuxième type de pudeur, ça consiste, face aux gens, à ne pas faire des choses qu'ils répugnent. Et c'est là quelque chose de méritoire. Même si ça n'atteint pas le rang de la pudeur à avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça reste quelque chose de méritoire. La première est obligatoire, et la seconde est méritoire, et les deux font partie des bonnes choses à accomplir. Et ici, donc, on aura compris, dans ce rappel que j'avais annoncé qu'il serait bref, on a compris donc l'importance de la pudeur. Et il faut que tu saches que la pudeur, c'est quelque chose par lequel tu dois impérativement te parer. Et que ça va être le rempart qui va se dresser entre toi et toutes les choses avilissantes, qu'elles soient de l'ordre de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala ou des choses qui vont causer ton déshonneur auprès des gens dans la vie d'ici-bas, dans la vie de tous les jours. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à nous parer de ce noble comportement-là et de nous aider à faire preuve de pudeur vis-à-vis de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: fais preuve de pudeur vis-à-vis d'Allah, comme tu le fais face à un notable de ton peuple. Car quiconque se présente devant une personne qui a un rang dans la société, elle va faire preuve de retenue devant elle. Et elle ne va pas s'adresser à cette personne-là comme elle le fait avec n'importe qui. Elle va faire attention à ce qu'elle dit. Elle va faire attention à ce qu'elle fait. Elle va bien se vêtir. Elle va se préparer peut-être même à cette rencontre. Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus en droit de cela. Lui qui nous a créés, qui nous a donné la vie, qui va nous donner la mort, qui nous accorde la subsistance, les bienfaits. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous cherchez à dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne le pourriez pas. À plus forte raison, nous devons faire preuve de pudeur vis-à-vis de lui, subhanahu wa ta'ala. Fais preuve de pudeur vis-à-vis d'Allah, comme tu le fais face à un notable de ton peuple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين et jusqu'à